se pavaner, un charponné aux oreilles fines. Ces belles oranges se trémoussaient, nous narguaient, puis des coquines. Les grosses tanches, tu es perché, elles se pourchier sur nos mines. Si la branche flanche, tu vas tomber, on va te taper, sera pas les mimes. Tu t'es hissé, tu t'es élevé pour mieux pisser sur nos tutines. Ça te fait marrer, on va te choper, dynamiter, t'exploser vermine. On est allergique au poney, les si on pouvait limiter des recettes, plus sûr pour baiser. Sécrétera du pub, plus la colère remonte, moins les chansons pour vous, et l'inconscience de la honte vous tient par tous les bouts. Je suis allergique à la lourdeur des hommes, je les pince, je les pique, je leur fourre les pommes. Je suis allergique à la lourdeur des hommes, je les rince, je les nique, je leur fourre les gnomes. Tu nous embrouilles, on te conchie, on te la tête couille. Descends ton lit, on te pète la bouille, crie comme une truie, on te cuit les nouilles. On est malin, on fait des pièges, ça risque rien, on est fin stratège. Corde fixée, piège pendu, prête à tomber du haut de la grue. On est allergique au poney, les si on l'attrape, on le bouffe, on fera brûler sa touffe. Vous ne mourrez jamais, je suis la conscience de la terre. Vous ne faites que passer un pet dans l'atmosphère. J'essaie de vous montrer comment respirer de l'air tranquille sans s'étouffer, pas besoin d'en faire la guerre. Mais le bilan est moyen, même s'il y a deux, trois bonnes choses. Vous sentez que c'est la fin, je vous prépare un truc grandiose. Je suis allergique à la lourdeur des hommes, je les pince, je les pique, je leur fourre les pommes. Je suis allergique à la lourdeur des hommes, je les pince, je les pique, je leur fourre les pommes. Je suis allergique à la lourdeur des hommes, je les pince, je les pique, je leur fourre les pommes. Je suis allergique. Thank you.